Le lendemain, elle se rendit à la préfecture de police pour qu'on lui retrouvât son enfant. On ne put rien lui promettre. On s'en occuperait cependant. Alors, elle vagabonda par les rues, espérant toujours le rencontrer. Et elle se sentait plus seule dans cette foule agitée, plus perdue, plus misérable qu'au milieu des champs déserts. Quand elle rentra le soir à l'hôtel, on lui dit qu'un homme l'avait demandé de la part de M. Paul et qu'il reviendrait le lendemain. Un flot de sang lui jaillit au cœur et elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Si c'était lui, oui, c'était lui assurément, bien qu'elle ne l'eût pas reconnu aux détails qu'on lui avait donnés. Vers 9 heures du matin, on heurta sa porte. Elle cria « Entrez !» prête à s'élancer, les bras ouverts. Un inconnu se présenta et, pendant qu'il s'excusait de l'avoir dérangé et qu'il expliquait son affaire, une dette de Paul qu'il venait réclamer, elle se sentit pleurer, sans vouloir le laisser paraître, en levant les larmes du bout du doigt à mesure qu'elle glissait au coin des yeux. Il avait appris sa venue par la concierge de la rue du Sauvage, et, comme il ne pouvait retrouver le jeune homme, il s'adressait à la mère, et il tendait un papier qu'elle prit, sans songer à rien. Elle lut un chiffre, 90 francs, tira son argent et paya. Elle ne sortit pas ce jour-là. Le lendemain, d'autres créanciers se présentèrent. Elle donna tout ce qui lui restait, ne réservant qu'une 20aine de francs. Elle écrivit à Rosalie pour lui dire sa situation. Elle passait ses jours à errer, attendant la réponse de sa bonne, ne sachant que faire, où tuer les heures lugubres, les heures interminables, n'ayant personne à qui dire un mot tendre, personne qui connût sa misère. Elle allait au hasard, harcelée à présent par un besoin de partir, de retourner là-bas, dans sa petite maison, sur le bord de la route solitaire. Elle n'y pouvait plus vivre quelques jours auparavant, tant la tristesse l'accablait, et maintenant, elle sentait bien qu'elle ne saurait plus, au contraire, vivre que là, où ses mornes habitudes s'étaient enracinées. Enfin, un soir, elle trouva une lettre et 200 francs. Rosalie disait « Madame Jeanne, revenez bien vite, car je ne vous enverrai plus rien. Quant à M. Paul, c'est moi qui irai le chercher, quand nous aurons de ses nouvelles. Je vous salue, votre servante, Rosalie. » Et Jeanne repartit pour Batteville, un matin qu'il neigeait et qu'il faisait grand froid.